بسم الله الرحمن الرحيم ندخل اليوم في الدرس المئة centième leçon toujours dans كتاب الفقه de la jurisprudence dans le chapitre de la salat قال في السؤال الثاني وثمانمائة 802e question ما هي الصلاة الوسطى quelle est la salat qu'on appelle intermédiaire il s'agit de salat du asr on l'appelle le wusta et le dalil c'est le hadith de Ali رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا متفق عليه que le Nabi صلى الله عليه وسلم il a dit justement pendant la guerre des coalisés l'Ahzab شغلونا c'est-à-dire qu'ils nous ont distrait ils nous ont empêché de faire la salat الوسطى et après il a précisé c'est la salat du عصر lui-même donc après il a fait dua que Allah remplisse leur maison ainsi que leur tombe de feu du fait qu'ils ont empêché de faire la salat à l'heure ثم قال في السؤال الثالث وثمانمائة 803e question ما هما البردان في قوله صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة qu'est-ce qu'on appelle justement les deux bardes c'est-à-dire les deux fraîcheurs les deux froideurs on dira comme ça lorsque le Nabi صلى الله عليه وسلم justement a dit que celui qui fait ces deux salats là rentrera au Jannah il s'agit du Fajr et du Asr comme dans le hadith d'Abi Moussa أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة que celui qui fait la salat des deux fraîches entrera au paradis et deux fraîches car c'est l'heure où justement le temps se rafraîchit au fajr bien évidemment et au asr après le dhuhr le temps se rafraîchit ثم قال في السؤال الرابع وثمانمائة 804e question ما هي الصلاة التي من تركها من تركها قد حبط عمله كلا صلاه que celui dont celui qui l'abandonne ses œuvres seront annulées كلا صلاه dont celui qui l'abandonne ses œuvres seront annulées et il s'agit justement du asr également comme dans le hadith de Bouraïda في يوم ذي غميم هو غيم قال بكروا بالصلاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر حبط عمله. Qu'il est dit, Bareida, c'est Bareida, Bareida, qu'il est dit, faites la salat tôt car celui, car le Nabi صلى الله عليه وسلم a dit celui qui délaisse la salat du Asr, ses œuvres sont annulées, apportées par Bukhari. Et le fait que les œuvres soient annulées ne veut pas forcément impliquer un takfir que tu devais m'écrire, mais que tes œuvres ne sont plus valables. Alors qu'en est-il de celui qui ne fait pas la salat du tout? Là, ce hadith-là parle seulement du Asr. Qu'en est-il de celui qui ne fait pas les salats du tout? Cela appuie l'avis que le délaissement de la salat est de la mécréance majeure. ثم قال في السؤال الخامس وثمانمائة 805e question ما هي أثقل الصلاة على المنافقين؟ Quelles sont les salats les plus lourdes pour les hypocrites? Il s'agit de salat al-Isha wa al-Fajr. Al-Isha al-Fajr. Comme dans le hadith d'Abu Huraira, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا qu'il est dit que les plus lourdes des salawas, c'est-à-dire accomplir pour les hypocrites, sont celles du Isha et celles du Fajr. Et si jamais ils savaient ce qu'elles contenaient comme bien, ils viendraient, ne serait-ce qu'à quatre pattes. Et pourtant, pourquoi ces deux salats-là? Parce que déjà, le Fajr, c'est l'heure où il faut se lever, c'est difficile. Et le Isha, c'est la fin de la journée, là où l'homme il est fatigué. Et également, ce sont les deux salats accomplis dans l'obscurité. C'est-à-dire qu'à l'époque des Sahaba, les Munafiqoun, il n'y avait pas, comme à notre époque, des réverbères, des lampadaires, des lumières dans les rues. Donc ils ne pouvaient pas s'imaginer passer inaperçu si jamais ne venait pas. Non. Thumma qala fi sawal al-sadis wa thamanin wa thamanmiya 806e question. Ma hiya atwal al-salawat al-khams qira'atan. Quelle est la salat qui est la récitation la plus longue parmi les cinq? Il s'agit de salat al-subh. Celle du Fajr. Comme dans le hadith de hadith Abi Barza al-Aslami قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين إلى المئة والحديث متفق عليه qu'il est dit Abu Barzah que le Nabi صلى الله عليه وسلم finissait la salat du Fajr au moment où l'homme pouvait voir qui était son voisin c'est-à-dire la lueur du jour commençait à apparaître et il récitait de 60 à 100 versets. De 60 à 100 versets. Fuma qala fi suwal as-sabi wa 807e question. Ma hiya salat al-ghadat? Justement. Salat al-ghadat, et c'est la salat du subh. Et le dalil vient de citer auparavant dans le hadith de Abu Barza al-Aslami, qu'on appelle al-ghadah. Hakada. Non. Fa hadha ladhi radna al-yawm. وبيدك قدرتك والحمد لله رب العالمين.